La malle de Simbad sur Radio Culture Dijon. Une émission préparée et présentée par Sébastien et Julie à la technique. Infos, bibliographie et podcasts sur le site internet de Radio Culture. L'héritière de la Narda, les années 1910. Un phare a balayé les rivages musicaux arabes pendant plus d'un demi-siècle. Sa carrière, éclatante, a orienté les pratiques de plusieurs générations de chanteurs et d'amateurs. Si vous voulez savoir ce qu'est la musique arabe, écoutez Umm Kulthum, lira-t-on à maintes reprises. 20 fois sur le métier, elle a remis son ouvrage. Elle l'a poli sans cesse et l'a repoli. Elle a quelquefois ajouté et souvent effacé. Faisant sienne la leçon de Nicolas Boileau, mais surtout de ses maîtres, des enfants de la grande Narda arabe, elle a affirmé son incommensurable talent par une force de travail exceptionnelle. C'est cette figure majeure des arts vocaux des cultures d'islam que nous vous proposons de fréquenter au cours d'une série de 8 émissions consacrées à sa vie. S'attacher au pas de cette immense diva, c'est aussi feuilleter le destin de la jeune nation égyptienne. Umm Kulthum l'accompagna, min al-Mahd et al-Lahd, du berceau à la tombe, tantôt proche, tantôt lointaine. Vous venez d'entendre l'Égyptien Abdelbaset Abdessamad, qui est un gigantesque morattil, tel un cantor, c'est-à-dire un cantilateur coranique. Et vous aurez remarqué, donc dans cette récitation coranique, eh bien les réactions absolument enthousiastes du public. Peut-être encore un extrait. Alors Sébastien, qu'exhume-t-on à la base de la 4e pyramide d'Égypte ? Eh bien, le bref aperçu de versets psalmodiés à l'instant nous y conduit. La maîtrise des règles de récitation coranique, ce qu'on appelle le tajwid, constitue en fait le pilier essentiel d'une restitution claire et expressive, ce que l'on appelle le taswir al-ma'na. Et elle joue un rôle primordial dans le développement du talent vocal d'Oum Kalsoum. C'est pour cela que nous commencions avec cette interprétation d'Abd al-Basit Abd al-Samad. La lettre, harf, y est prononcée avec une netteté certaine, les emphatiques et gutturales tout particulièrement. Accents et longueurs y bénéficient d'un poids distinct. L'énonciation soignée rejoint un sens voulu évident. C'est finalement une école d'éloquence technique. Et si vous vous souvenez de ce que nous avions dit dans l'émission précédente, dans ce panorama des musiques de la Narda, eh bien, les grands interprètes nardaoui, les grands interprètes vocaux de ce 19e, 20e siècle, ont une formation sacrée, si vous voulez, ou en tout cas, de récitant coranique. L'autre assise indispensable réside dans l'assimilation d'un patrimoine musical qui aura été élaboré tout au long de cette narda. Et encore une fois, la narda, c'est cette grande période de production intellectuelle et artistique qui va être articulée au réformisme, ce qu'on a appelé le islah, un mouvement qui allait métamorphoser sur le temps long les sociétés arabes depuis l'orée du 19e siècle jusqu'aux luttes pour les indépendances. Sous l'impulsion d'un mécénat extrêmement lié finalement au pouvoir des khédives égyptiens, une école de chants savants profanes voit le jour. Abdul Hamouli, Youssouf El-Manialawi, on en avait entendu un extrait dans l'émission précédente, compte parmi les fondateurs. Sur leurs traces, on retrouve les cheikhs Salam Ahigazi ou Abdelhaï Helmi, Saïd Darwish, ou Saïd Safti, ainsi qu'Abou Ila Mohamed. Et puisque nous parlons d'Abou Ila Mohamed, arrêtons-nous une poignée de minutes sur ce personnage qui jouera un rôle important dans la vie d'Oum Kalsoum. حقك أنت المنى والصلم وأنت المراد وأنت الأرض ولي فيك يا هاجري صفوة تخير في وصفها كل طفل أبيت أسامع نجمة سماء إذا لها لي في الدجى أغوار Oh, C'était donc « Wa haqqika anta al-muna » d'Abul Ala Muhammad. Pourquoi parler d'Abul Ala Muhammad ? Parce qu'il sera un des maîtres d'Oum Kalthoum après l'installation de cette dernière au Caire. Nous en reparlerons. Il s'agit ici d'une qasida, donc une ode amoureuse, où l'interprète s'épanche longuement sur l'objet de ses feux. Peut-être quelques excursions ultérieures nous rendre ce monde un peu plus familier, mais sans vendre la mèche, on pourrait indiquer deux références pour aller plus loin. La première, il s'agit d'une belle anthologie de la musique arabe, présentée par Frédéric Lagrange, qui est donc professeur de langue et littérature arabe à Paris 4. Une anthologie qui est parue au Club du Disque Arabe et que l'on peut trouver donc facilement dans le commerce. Du même auteur, une thèse extrêmement riche, dans laquelle on apprendra beaucoup, musiciens et poètes en Égypte au temps de la Nahda, donc c'est le titre de la thèse, et donc Frédéric Lagrange l'a mise en ligne sur son site, et l'adresse est www.mapage.nous.fr/fredlag, s'écrit FREDLAG, et vous pourrez donc lire sa thèse « Musiciens et poètes en Égypte au temps de la Nahda ». Enfin, au cours des moments passés sur nos ondes, nous allons entendre des maqams, c'est-à-dire diverses organisations des échelles mélodiques, non tempérées, ce qui permet l'emploi de quarts de ton. Les plus usités chez Oum Kalthoum seront le rast, le bayati, le nahawan, comparable au do mineur, et le huzam. Nous vous en proposons une illustration musicale à partir d'un très pédagogique enregistrement sur YouTube intitulé 12 Arabic Maqams. Et voici donc pour 10 minutes eh bien une présentation de ces différents modes de la musique arabe. On est à combien ? رست بياتي صبا سيكا هوزام نهاوند عجم عشيران حجاز حجاز كار كرد نكريز نوا أثر رست بياتي صبا Sika. Them. Oh. عجم عشيران جاز جاز كار كرد نوى أثر Alors, quelle est la formation initiale d'Oum Kalsoum ? Eh bien, est-elle née en 1898 ou en 1904 ? On ne le sait pas. Cette coquetterie biographique ne change finalement rien au contexte. L'Égypte est occupée par l'Empire britannique depuis la faillite crapuleuse du canal de Suez et l'échec de la révolte emmenée par Ahmed Urabi en 1882. Oum Kalsoum grandit dans la localité d'Assim Belaouane, plus exactement dans un village appelé Tama Ezraïra, situé dans la partie orientale du delta, non loin d'El Mansoura. Elle étudie au Koutab à l'école coranique. Son père, Ibrahim Sayed, est imam, membre donc d'une notabilité religieuse rurale sur le déclin au tournant du nouveau siècle. Il se produit avec son fils, lui adjoignant plus tard sa fille, habillés alors en jeunes bédouins, à l'occasion de fêtes religieuses ou de célébrations dans les villages environnants. C'est lui qui l'initie au grand genre. La qissa, les récits édifiants comme la geste prophétique. La qasida, une poésie monorhymique. Le muashah, poésie strophique, à finale, kharja, dialectale. Un genre qui est originaire d'Al-Andalus. Sans omettre le mawal, poésie dialectale locale. Elle finit par s'imposer en compagnie de la firqa, donc du groupe, de la firqa familiale comme un maître, une sheikha min al-mashayikh. À cette époque, on essaye, depuis bien longtemps, d'articuler le moderne, hadith, à l'authentique, asil. Frédéric Lagrange, que nous avons cité précédemment, va d'ailleurs parler du tajdid al-mut'asil, le fait de rénover, si l'on veut, eh bien, ce qui est authentique, sans y trouver matière à redire. La voix puissante d'Umm Kulthoum est remarquée comme un phénomène et lui vaut de plus en plus d'invitations dans les alentours, voire plus loin encore. Virginia Danielson livre une foule d'anecdotes détaillées sur les tournées campagnardes de cette jeune fille. Elle est l'auteur d'un essai académique sur Umm Kulthoum intitulé « The Voice of Egypt », biographie à laquelle nous avons abondamment puisé pour réaliser cette série d'émissions. L'aristocratie terrienne du Delta a ses palais et entrées au Caire. Ses patrons latifondières lui ouvriront bientôt les portes de la capitale quand bourgeonnera la décennie suivante. Thank you. Voilà un avant-goût, Qulil Bakhila, enregistrement de 1928, une qasida d'Ibn Nabih al-Misri sur une musique d'Abul Ila Muhammad. Qulil Bakhila, à celle qui se montre avare de salut, rapporte ce qui suit. Le bien-aimé se languit et entame un dialogue impossible via un tiers que l'on suppose bienveillant ou compatissant. Il entame un dialogue avec la belle qui l'évite. Sur une qasida d'Ibn Nabihi, auteur au style raffiné, ayant vécu sous Saladin. Ces vers reçurent leur musique de la part d'Abul Ala Mohammed, un maître que nous avons évoqué dans le courant de cette heure. Umm Kulthum chantera également de sa plume Efdehi in Hafid al-Hawa. Mais nous nous quittons aujourd'hui et nous vous invitons à nous rejoindre pour la prochaine émission en vous disant au revoir. Ma'assalama.